Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie. Il est venu s'offrir pour nous. Nous devons donc le rechercher. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Plusieurs croyants ont connu ce qu'on pourrait appeler un désert spirituel à un moment donné de leur marche chrétienne. Si vous faites partie de ce groupe, vous savez qu'il s'agit d'un temps où vous n'éprouvez aucune passion à adorer Dieu. Il n'y a pas de vie dans vos prières et pas d'excitation dans votre esprit. Bien sûr, Dieu est avec vous, mais en quelque sorte, vous ne pouvez pas ressentir sa présence. Quelque chose ne tourne pas rond. Aujourd'hui, Charles Stanley se propose de vous diriger vers un oasis d'espoir qui vous fera sortir de ces temps de sécheresse spirituelle. Ce périple vers une croissance, une vitalité et une intimité avec Dieu commence par une recherche du Seigneur empressée et continue. Voici les enseignements encourageants et bibliques de Charles Stanley. Que signifie pour vous l'expression « rechercher le Seigneur » ? D'un bout à l'autre des Écritures, nous sommes exhortés à le rechercher. Que veulent dire ces paroles? Simplement que nous devons le désirer. Cela veut dire que nous devons aspirer profondément à connaître Jésus-Christ. Cela veut dire que nous devons avoir soif et faim de lui. Nous devons être habités par un désir tenace de le connaître. Nous devons être en communion avec lui, développer une relation proche et intime avec lui, afin de pouvoir marcher, progresser ensemble dans l'unité. Pourquoi la Bible nous exhorte-t-elle à rechercher le Seigneur? Premièrement, nous devrions le rechercher parce que Jésus-Christ désire être l'objet de notre affection. Et non seulement l'objet de notre affection, mais aussi l'objet de notre amour et l'objet premier de notre attention. Voilà son désir. Il nous a conçus et il nous a créés pour aimer. Chaque homme et chaque femme ont été créés par Dieu pour aimer, et pour aimer d'abord et avant tout le Seigneur Dieu Tout-Puissant, son Fils Jésus-Christ, ainsi que son Saint-Esprit. En plus, nous devons nous aimer les uns les autres d'un point de vue spirituel. Nous avons été créés pour aimer et pour adorer Dieu avant de faire toute autre chose. Nous avons été conçus pour aimer et adorer le Seigneur avant même de le servir. Une vie de service est le résultat et même le débordement d'une vie d'adoration et d'amour. Dieu désire être l'objet de notre affection. Deuxièmement, Dieu désire que nous le recherchions car il désire entretenir une communion avec nous. Il désire nous aimer et devenir notre ami. Il n'est pas seulement notre Sauveur, notre Seigneur, notre juge, notre maître et notre roi. Il est aussi notre ami. Et il veut que nous entretenions avec lui une amitié véritable, comme deux amis qui s'aiment et qui communient ensemble. Troisièmement, nous devons rechercher Dieu car il veut nous enseigner à dépendre de lui. Nous devons comprendre qu'il est notre source. Il est une ressource qui peut répondre à nos besoins. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous appuyer sur lui. Il ne désire pas que nous venions à lui seulement quand nous sommes à la toute dernière extrémité, dans un état de désespoir. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous apprendre à vivre dans une dépendance totale de lui, à chaque moment de chaque jour de notre vie. Quatrièmement, Dieu veut que nous le recherchions, car il connaît la puissance de la pression du monde. Le Seigneur Jésus-Christ sait bien que, si nous ne consacrons pas une partie de notre mode de vie à le rechercher constamment, le courant de ce monde nous entraînera irrémédiablement et nous nous égarerons loin de la voie que le Seigneur a préparée pour nous. Je ne veux pas dire que nous serons perdus spirituellement parlant, mais à cause de cette société dans laquelle nous vivons, notre désir et notre intérêt pour lui s'affaibliront parce que nous ne serons plus concentrés sur lui. Nous devons parfois nager à contre-courant du flot de ce siècle, et cela exige beaucoup d'énergie. Nous devons par conséquent rechercher Dieu et camper sur notre position, fermement concentrés sur lui afin de pouvoir continuer à vivre dans l'obéissance. Cinquièmement, nous devons rechercher Dieu car sans lui, nous demeurerons vides et déçus par la vie. Voyez-vous, Le Seigneur sait que si nous recherchons toute autre chose que lui, nous serons ultimement déçus. Si nous cherchons quelqu'un d'autre que lui dans notre vie, le résultat sera en fin de compte décevant. Car nous avons été créés pour ne pouvoir être vraiment satisfaits qu'avec la présence de la personne du Seigneur Jésus-Christ en nous. Dieu est omnipotent et omniscient. Il sait fort bien par conséquent que si nous investissons dans une autre forme de relation, peu importe la personne, la chose, l'expérience ou le plaisir, si ce n'est pas la personne du Seigneur Jésus-Christ, nous n'y trouverons pas notre compte. Et après un bref moment de stimulation, nous finirons par être insatisfaits, désillusionnés et en fin de compte, déçus. Sixièmement, le Seigneur nous demande de le rechercher pour notre propre sécurité. Consultons le deuxième livre des Chroniques, chapitre 12, verset 14. « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. » Si nous ne sommes pas déterminés à suivre le Seigneur volontairement, nous finirons par commettre le mal. Pourquoi? Parce qu'en nous éloignant du Seigneur et en ne le recherchant pas, la pression du monde ambiant, les péchés de ce monde, la lie de ce monde, la saleté de ce monde et de la société dans laquelle nous vivons finiront par nous entraîner dans leur sillon. Le courant de ce monde nous entraînera tous, à moins que nous gardions notre concentration fixée sur le Seigneur. Car, laissé à lui-même, l'homme sera, par défaut, si vous me permettez l'expression, entraîné par le mal. Maintenant que nous avons parlé de ce qu'il ne faut pas faire, poursuivons notre lecture dans le même livre, 2 Chroniques jusqu'au chapitre 34. Nous y découvrirons un merveilleux passage qui nous raconte l'histoire du roi Josias, un des plus grands souverains du peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Lisons 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 à 3. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Josias s'est mis à la recherche du Seigneur et, parce qu'il y mettait tout son cœur, Dieu lui a donné la sagesse. Il a commencé à voir les choses selon le point de vue de Dieu. Il considérait les événements selon la perspective de Dieu. En conséquence, il a commencé à recevoir la puissance de Dieu et il a commencé à croire en la puissance de Dieu. Le pays de Juda et la ville de Jérusalem d'où il régnait vivaient une période troublée de leur histoire et le peuple vivait dans l'idolâtrie depuis longtemps. Soudain, un jeune roi de 12 ans apparaît et donne l'ordre de démolir les idoles dans tout leur royaume. Comment un jeune homme aurait-il pu aller à contre-courant de la société dans laquelle il vivait sans compter sur la puissance de Dieu? Dieu l'a utilisé pour procurer un réveil spirituel à son peuple et pour sauver Juda de ses ennemis. Josias s'est mis à rechercher le Seigneur et ce dernier l'a protégé. La plus grande protection que nous puissions offrir à nos enfants est de leur enseigner tôt dans leur vie à rechercher l'Éternel de tout leur cœur. Car alors, ils auront en eux un système de protection intégré. Ils auront appris une des leçons les plus importantes de leur vie. Recherchez le Seigneur. Ils pourront ainsi rester fermement enracinés en Jésus-Christ. Et quand vous êtes solidement enracinés en lui et que vous recherchez continuellement sa face, les vents et les marées de la vie peuvent vous ébranler et vous malmener, mais vous ne partirez jamais à la dérive. Pourquoi? Car le Seigneur Jésus-Christ vous gardera ancré à lui. Septièmement, nous sommes exhortés à rechercher le Seigneur, car Jésus-Christ est tout ce que nous avons. La Bible affirme que Jésus-Christ est notre vie. Pouvez-vous me nommer une chose, une seule chose, dont vous ayez besoin, n'importe quoi, que Jésus-Christ ait été incapable de vous donner? Une telle chose n'existe pas. Jésus-Christ est tout ce dont vous avez besoin. Et si Jésus est tout ce dont nous avons besoin, pourquoi cherchons-nous autre chose? Est-ce que cela signifie que vous pouvez quitter votre emploi? Non. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Gagnez votre vie. Accomplir l'appel et la vocation que Dieu a préparé pour vous au meilleur de vos capacités. Voilà une chose. Or, recherchez le Seigneur et comptez sur lui pour la satisfaction de vos besoins et le considérez comme la réponse à vos besoins. Voilà une toute autre chose. Dieu vous a appelé à accomplir un travail ou une vocation. Cela fait partie de son plan et de son objectif pour votre vie. Or, est-ce là le but ultime de votre vie? Ne recherchez-vous pas plutôt sa présence et sa face? La seule chose au monde qui puisse vous satisfaire réellement est Jésus. Tout ce que nous possédons d'autre est le résultat de la présence de Jésus en nous. Dieu n'a jamais accordé aucune paix en dehors de lui-même, et vous ne recevrez jamais aucune paix en dehors du Prince de paix, Jésus-Christ, car il est celui qui nous donne espoir, la présence de Jésus-Christ qui habite en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit nous donne un espoir dans cette vie. Il n'existe aucun contentement, aucune satisfaction en dehors de sa divine présence. Aucun accomplissement durable n'est possible sans sa divine présence. Aucune sagesse véritable n'est possible sans sa divine présence. Tout ce dont nous aurons besoin est en Jésus-Christ, car il est venu dans le monde, comme la Bible affirme dans Jean chapitre 10, verset 10, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et ce n'est pas le genre de cadeau qu'on donne ou qu'on prête après l'avoir enveloppé et enrubanné. Il est venu se donner lui-même, et c'est lui que nous devons rechercher. Pas les choses qu'il peut nous donner, mais lui, une personne, Jésus-Christ. Vous savez, vous pouvez accumuler tout l'argent du monde, mais vous ne serez jamais satisfait. Vous pouvez avoir tous les amis du monde, toutes les relations, tous les désirs, tout l'amour et toute l'affection, tout le sexe et l'érotisme et tout le reste, en vain. Vous pouvez avoir tout ce que le monde pourrait vous offrir, mais je dois vous prévenir. Tout ce que vous obtiendrez, c'est un sentiment de vide profond et douloureux qui vous ronge à l'intérieur. La soif ne sera pas étanchée. La faim ne sera pas satisfaite. Elles perdureront sans Jésus. C'est ce qui, en bout de ligne, conduit les gens à gâcher et à détruire leur vie. Car après avoir tout essayé, tout ce dont ils avaient rêvé, ils prennent alors une décision stupide. Ils tombent dans un des derniers pièges de Satan. Ils sont attirés par un de ses derniers appâts, et le désir est rendu si fort qu'ils n'ont plus la force de lui résister quand il leur dit, par exemple, « Tu penses avoir tout essayé, mais attends, tu n'as pas pensé à ceci, à cela. » Ils font alors un dernier plongeon et c'est terminé. Avant d'en être rendu là, écoutez-moi. La seule personne au monde à vraiment pouvoir vous satisfaire et vous procurer le contentement est Jésus-Christ. Vous pouvez entretenir avec lui une relation d'amour merveilleuse et intime. Vous pouvez rechercher continuellement sa personne et vous bâtir une relation personnelle avec lui en le recevant, en vous laissant aimer de lui, en le laissant s'approcher de vous, en vous grisant de sa présence. Vous développerez alors ce sentiment de véritable sécurité et vous deviendrez convaincu, il est votre vie. J'aimerais vous poser une question. Jésus peut-il éprouver un besoin qu'il ne peut pas satisfaire? Non. Pourquoi? La raison est simple. Il n'a aucun besoin parce qu'il est Dieu, totalement et parfaitement. Il a consenti à vivre à l'intérieur de chaque croyant et de chaque croyante afin de satisfaire tous nos besoins. Et si Satan vous dit que vous avez un besoin qui doit être satisfait, Jésus-Christ l'exaucera parfaitement et complètement en son temps et à sa manière. Faites-lui confiance. N'essayez pas de prendre un raccourci et d'assouvir vos besoins par vos propres moyens, car alors, vous vous mettrez dans le pétrin à chaque fois. Huitièmement, nous devons rechercher le Seigneur, car sinon, quand nous concentrons notre attention sur quelque chose ou quelqu'un, nous devenons semblables à cette chose ou à cette personne. Si vous vous concentrez sur le négatif, par exemple, vous deviendrez négatif. Si vous vous concentrez sur la sexualité, vous deviendrez obsédé par la sexualité. Si vous vous concentrez sur le matériel, vous deviendrez matérialiste. Quel que soit le sujet de votre concentration, vous deviendrez semblable à lui. En réfléchissant à ces 8 points, il devient évident de comprendre pourquoi le Seigneur nous encourage à le rechercher, pourquoi il nous exhorte à concentrer notre attention et nos pensées sur lui, à reporter notre intérêt sur lui, de même que notre amour. Il faut rechercher notre communion avec lui. Le Seigneur sait que, lorsque nous avons l'intention de le rechercher, nous devenons semblables à lui. Nous devons donc rechercher le Seigneur parce qu'il veut nous rendre semblables à lui. C'est un grand défi, certes, et plusieurs se demandent sans doute comment y arriver. Nous devons faire attention à 2 choses. La première est l'attitude, la deuxième est l'action. Comment pouvons-nous partir à la recherche de notre Seigneur? Par où pouvons-nous commencer notre périple de découverte? Nous parlerons premièrement de notre attitude. Et la première attitude à cultiver est tout simplement sa recherche. Remarquez la parole de David dans le psaume 63, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Quand je cherche quelque chose ou quelqu'un, j'y mets les efforts nécessaires. Cela signifie que je prends une décision, que je planifie mon action, que je fais un choix et que je poursuis ma recherche jusqu'à l'atteinte du but. Dans le cas présent, je concentre mes pensées et mon attention sur le Seigneur. Je fais preuve de sérieux dans ma recherche. Je n'aspire plus qu'à être avec Dieu, car je me languis de lui. Je ne me contenterai pas de connaître quelques brides de sa parole. Je ne serai pas satisfait d'être seulement sauvé et de donner ma dîme. Je serai seulement satisfait quand lui et moi aurons une communion vivante, merveilleuse, chaleureuse, intime, croissante et excitante. Car, ne l'oublions pas, nous pouvons chaque jour anticiper de nouvelles étapes et de nouvelles découvertes à l'intérieur de cette relation. La deuxième attitude consiste à le rechercher sans cesse. Je dois le rechercher continuellement, le laisser me diriger, l'aimer constamment et mettre tous les efforts possibles pour approfondir ma relation avec lui. Je dois nourrir une intimité avec lui avec détermination et constance. Nous devons aussi le rechercher avec joie, comme il est écrit dans 1 Chronique chapitre 16, verset 10. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Nous devons rechercher l'Éternel avec un cœur joyeux. Nous devons le rechercher continuellement. Nous devons le rechercher faisant tous les efforts possibles. Et nous devons faire de l'Éternel le but premier de notre recherche. Voilà donc le genre d'attitude avec laquelle nous devons rechercher Dieu, avec empressement et en faisant tout ce qu'il faut pour le découvrir. Nous devons donc, dans un premier temps, le rechercher de tout notre cœur et en lui prouvant par des actions que nous tenons à découvrir qui il est. La première façon de rechercher Dieu par nos actions est de lire sa parole, la Bible. Toutefois, lorsque nous nous adonnons à cette activité, voici l'erreur que nous commettons parfois. Beaucoup de gens pensent qu'ils recherchent le Seigneur en lisant un chapitre ou 2 de la Bible entre le moment où ils se lèvent et le moment où ils doivent partir travailler. Ce n'est pas cela, rechercher le Seigneur. Il s'agit bien sûr d'une excellente habitude et il ne me viendrait jamais à l'idée de vous en décourager. Vous faites bien de lire votre Bible. La parole de Dieu contient sa révélation. C'est ainsi que nous pouvons découvrir sa nature, en lisant, en comprenant et en méditant sa parole. Cependant, ce n'est pas vraiment cela rechercher Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui étudient la Bible et qui ne recherchent pas Dieu. Vous pourriez étudier la Bible et vous situer quand même à l'extérieur de sa volonté. Beaucoup de gens considèrent la lecture de la Bible comme une activité purement rationnelle et ils dissèquent la Bible comme un cadavre. Erreur, car la parole de Dieu est vivante, et quand nous lisons cette parole en recherchant le Seigneur de tout notre cœur, nous nous engageons dans une relation continuelle et en constante croissance avec lui. Il se produit une dynamique entre vous et Jésus-Christ quand vous le recherchez. La lecture de la Bible est la première action par laquelle nous recherchons le Seigneur. La deuxième est la prière, mais encore une fois, nous devons faire attention. Prier Dieu ne consiste pas simplement à venir à lui chaque matin avec votre liste de requêtes. Il existe une différence entre s'approcher de Dieu et aller à l'épicerie avec sa liste. Quand on prie simplement de cette façon, on ne recherche pas vraiment le Seigneur. La prière fait partie des activités de recherche du Seigneur, mais elle n'est pas suffisante en soi. La troisième action à noter est la méditation. Que se passe-t-il lorsque nous méditons la parole de Dieu? Nous pensons, nous écoutons, quelque chose se produit en nous. Notre attention est fixée sur quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Pour rechercher le Seigneur, nous devons nous concentrer sur lui. Après avoir passé du temps à lire sa parole, à lui parler dans la prière, nous le recherchons maintenant dans la méditation sur la base des choses apprises dans la parole et communiquées à lui dans la prière. Pour rechercher le Seigneur, il ne suffit pas d'écouter sa parole dans la Bible, ni de partager nos pensées avec lui, dans une attitude de transparence et d'ouverture face aux événements de notre vie. Mais il s'agit aussi de faire taire le flot de nos pensées, de nous tenir tranquilles devant lui et de le laisser parler. Simplement le laisser parler. C'est en ayant cette attitude que nous pouvons laisser le Seigneur se déverser en nous. Nous pouvons le laisser épancher son amour en nous, nous remplir de sa sagesse et de sa personne. Nous pouvons le laisser nous soutenir, nous entourer et nous submerger de sa présence. Nous voulons unifier notre vie à la sienne. C'est cela, rechercher le Seigneur. Et dans quel but investirions-nous tant d'énergie? Je pourrais vous énumérer une longue liste de résultats de ces actions et attitudes, mais je voudrais vous entretenir surtout de trois d'entre elles. Quels résultats pouvons-nous attendre de notre recherche du Seigneur? Que pouvons-nous apprendre de notre quête? Une des premières choses que vous réaliserez, c'est un sentiment nouveau d'accomplissement ou de plénitude. Ce sentiment se manifestera de telle manière que votre appétit et votre soif pour toute autre chose diminueront en importance et en intensité. Revenons au psaume 63, verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Dans un deuxième temps, nous expérimenterons la joie, comme nous pouvons le constater dans la deuxième partie du même verset. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Vivez-vous dans une joie réelle. Je ne parle pas d'une fausse joie pour épater la galerie. Le matin, beaucoup d'hommes étendent un sourire sur leur visage, en même temps que leur crème à raser. Et vous aussi, mesdames, vous faites votre mieux pour vous rendre présentable. Nous sommes souvent tous coupables de la même manière. Nous allons au travail avec cette expression forcée de bonheur. Or, quand Jésus-Christ devient votre vie, et que vous comprenez qui il est, quand vous vous mettez sérieusement à rechercher le Seigneur, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous ne faites alors qu'exprimer vos sentiments de tout votre être, sans rien ajouter ou enlever. Vous sentez une excitante joie monter en vous, effervescente, comme des bulles de champagne. Vous auriez peine à retenir ou à étouffer cette joie de Dieu, car elle déborde votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à rechercher le Seigneur et que Christ est maintenant tout pour vous. Et quand Jésus-Christ est votre totalité, que cette totalité est en vous, que vous savez que tout ce dont vous avez besoin est en vous, et que vous y avez pleinement accès à présent, vous n'avez plus à vous inquiéter de rien, car à ce moment, le monde ne peut plus rien vous enlever, et il ne peut plus rien vous donner d'utile que vous ne possédiez déjà. N'est-il pas normal alors de vouloir glorifier Dieu? Continuons notre lecture du psaume 63, verset 8. car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Pourquoi suis-je dans l'allégresse? Parce qu'en recherchant le Seigneur, je comprends par expérience que Jésus peut devenir ma totalité, et cette découverte renversante s'accompagne d'une vive sensation de joie. On pourrait objecter que nous devons rechercher le Seigneur pour lui-même et non pour une chose ou un quelconque sentiment, aussi plaisant puisse-t-il l'être. C'est exact. Mais regardons le psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dieu nous donnera tout ce qu'il considère bon pour nous parce que nous le recherchons. Quand nous tournons notre attention vers Jésus-Christ, notre intérêt réside en lui, et quand notre cœur se languit de lui, qu'il a faim et soif de lui, nous serons étonnés par les résultats de nos besoins et de nos prières qui seront exaucées à 100%. Saviez-vous que Jésus-Christ est assis sur son trône, prêt à vous donner toute bonne chose au meilleur moment? Il désire le faire, et c'est pourquoi il nous déclare « Recherchez le Seigneur, recherchez sa face, ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. » Car le Père Céleste, par son Fils Jésus-Christ, a déjà déposé à notre compte tout ce dont nous avons besoin, et nous pouvons le retirer de notre compte par la foi. Charles Stanley nous a rappelé dans l'émission d'aujourd'hui pourquoi nous devrions rechercher le Seigneur. Il nous a également expliqué que cette recherche de Dieu exige de la patience et de la persévérance. Cependant, vous le savez si vous êtes chrétien ou vous le découvrirez, lorsque nous commençons à développer une intimité véritable avec notre Père Céleste, nous réalisons que rien ne peut se comparer à cette relation. Le maintien de cette relation nouvelle devient par conséquent une priorité absolue, peu importe le prix demandé. Dieu veut se révéler à nous. Or, sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes pour lui? Le psaume 119, à partir du verset 9, nous enseigne cette parole de sagesse. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.